les Michaël. Les atomes dont la rapidité est presque instantanée, on les appelle les Michaël. Puis s'il y en a un dans vous autres, ceux qui ont des télévisions, là, regarde bien ça, Fernand. Je vais te l'expliquer, le Michaël, dans mon langage à moi. Puis tu vas. Je vais te l'expliquer pour que tu comprennes la relation entre la nature même de l'atome, pas l'atome physique des scientifiques, là. Dans, entre la nature même de l'atome et la prépersonnalité de la volonté de l'amour et de l'intelligence. Regarde bien ça. Très chinique. Drepied. Varishna. Pojeknie. Décris-nous ce que tu vois, toi. Comment tu vois? Je vois pas de personnage, pas beaucoup de lumière. Regarde dans la lumière. En arrière de la lumière. En arrière. Tu vois ça derrière, là? Parce que c'est l'énergie que je reçois, c'est vraiment... Pour te montrer, pour te faire comprendre une chose que tu cherches à comprendre depuis longtemps. Tu sais, quand je dis que la parole, c'est un pouvoir, que quand tu es fusionné, le moindre mot est une impression. Le moindre mot. Regarde bien, là. Je vais envoyer une parole très simple, là, presque un son. Ça va te faire comprendre une impression. Djeshti, djeshti, djeshti, djeshti, djeshti. Comprends-tu ce que je veux dire? Il y a beaucoup de mouvement. C'est seulement du mouvement. C'est seulement du mouvement. C'est seulement du mouvement. C'est très rapide, c'est seulement du mouvement, puis il n'y a pas d'autre chose que du mouvement. Et ça, c'est difficile à comprendre, parce que ça dimensionne. Exactement. Exactement. C'est seulement du mouvement. Et tu reçois tellement d'énergie à ce moment-là que... C'est seulement du mouvement. Puis sais-tu qu'est-ce qui arrive dans l'évolution, C'est que le mouvement a été arrêté par l'astral. Puis quand le mouvement est arrêté par l'astral, il y a des formes de créer. Et ces formes dans l'astral sont suffisamment denses pour empêcher que le mouvement descende dans l'homme et que l'homme poursuivre son exécution de la création. L'homme n'est pas capable de créer, l'astral le coupe. C'est comme un nuage qui vient... C'est un nuage, exactement. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on dit qu'il est arrêté ou s'il est ralenti? Les atomes, au lieu d'être dans l'instantané du mouvement, on voit qu'il est de plus en plus lent à la mesure qu'on descend dans le coup. C'est un bloc. Mais ça crée une forme qui bloque l'énergie. C'est ça, ça bloque l'énergie. C'est complètement noir. Hein? Ouais. Ouais. Ouais. Il ne peut plus y avoir de lumière. Non. Il ne peut plus y avoir. Non. Puis nous autres, quand on médiumnise ou quand on communique avec l'astral par un moyen ou un autre, on communique dans ce nuage-là. C'est pour ça qu'on n'a pas d'intelligence. On a de la connaissance, mais on n'a pas d'intelligence. On n'a pas la volonté suffisante pour filtrer. Non. Pour dépasser, pour aller plus haut. Ça. Faut sortir totalement de ça. C'est pour ça que je dis, l'homme doit un jour ne plus vivre d'émotion. Parce que c'est l'émotion qui maintient ça en vie. Mais qu'est-ce qui fait que notre corps vide? C'est pas l'expansion, mais pas l'expansion. Parce que votre corps n'est pas capable de l'absorber sans souffrir. Dans ta phrase que tu as dit à un moment donné, j'ai senti explosion ou expansion, ou... ça fait... Tout est mouvement. Tout. Parce que la vie, c'est une vie. Le mouvement, c'est tout. C'est comme une aurore boréale, définis-moi, là. Parce que c'est comme une aurore boréale qui est beaucoup en mouvement, là, mais multipliée par ce que, la façon dont je peux le percevoir, là, c'est comme une aurore boréale, là. Puis, qui est multiplié à une vitesse énorme, qui parcourt, qui est presque instantané, mais plus ou moins. À chaque instant, il peut être n'importe où. Et il est partout à la fois, pratiquement. Ah. Dans l'esprit. Ah. C'est quoi, si... Puis on n'a pas accès à cette énergie-là. Il faut qu'on ait accès à cette énergie-là. Bernard, j'ai l'impression que tu parles. Admettons, quand un être reçoit une vibration, là, il souffre, c'est évident. Ses premiers mouvements, c'est d'aller, quand il reçoit cette énergie-là, là, ce, d'après moi, son premier réflexe, c'est d'aller créer une forme dans le plan astral pour se satisfaire. Okay? Il fait ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, là, il se rend compte que il ne croit plus à sa forme. C'est ça, dans le premier temps, là, il descend une volonté. En premier, il souffre, carrément. Il n'est même pas capable de satisfaire le plan astral. C'est d'aller créer une forme pour arrêter ça. Fait que dans un deuxième temps, il descend une volonté, si tu veux, passablement forte, pour être capable au moins de créer une forme pour avoir une illusion de contrôle, ça, ça. Mais je me sens que tu parles. Dans un troisième temps, quand l'individu que l'ajusteur de pensée donne la pensée que l'individu doit décider, que qu'il choisit, je fais attention au mot, de maintenir l'état. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Comment ça je veux dire? Juste maintenir l'état énergétique de la souffrance. Pas créer de forme. Rester avec. L'individu est conscient. C'est ça être conscient. C'est être d'une façon permanente dans l'intelligence. C'est être d'une façon permanente en dehors de la forme. À ce moment-là, le mouvement qu'il va créer va sortir de l'astral puis va aller sur un plan mental. Automatiquement. Mais ça va être du mouvement. Anyway. C'est toujours du mouvement. Mais ça, tu le choisis pas. C'est intéressant, pas. Ça. Tu choisis pas ça partout. Dans la vie, t'as pas besoin de choisir. Parce non. Que quand t'es conscient, tout ce que tu fais, c'est correct. Ouais, quand t'es prêt. Fait que tout ce que tu fais, c'est correct. Y a plus de choix. Mais là, ça dépend. C'est quand ce que tu penses que tu fais. C'est quand tu penses à ce que tu fais qu'il y a un choix. Quand tu penses plus, puis t'agis, tout ce que tu fais, c'est correct. Automatiquement, il n'y a plus de choix. Exemple, quand tu vas faire pipi, tu te demandes pas si c'est correct ou si c'est pas correct. Parce que c'est totalement en dehors du phénomène de la pensée. C'est quand tu tombes au niveau de la pensée que là, le choix rentre. Mais il faut que tu en arrives à dépasser le plan de la pensée pour faire tout de la même façon. Librement. Librement, dans ce sens que t'as pas le choix à faire. T'as pas à penser à rien. T'as rien qu'à faire du mouvement.

Je suis obligé de la supporter tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Sans ça, cracra, elle deviendra folle. Là. Parce que le vide, il a été créé, puis il peut être rempli par le plein. Fait que si le plein n'est pas là, elle craque. Fait que tu as une responsabilité. La patience, ouais. La patience cosmique. Ouais. T'es lié à ces gens-là. Parce que t'es lié à toi. Moi, Gisèle, je l'ai lié à moi. Ce serait une espèce de patience cosmique dans le sens, je mentais, dans le sens voir le but d'une chose et la fin d'une chose, ouais. Puis monter quand même vers la chose. Ouais, c'est ça. Puis être capable d'être dans le but, tu sais. C'est ça. C'est une espèce d'alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Exactement. C'est une alliance. Ça se défait. Non. C'est cosmique. Non. C'est vibratoire. Moi, quand Gisèle, elle me dit, là, je suis plus capable de rester à Montréal tout seul. Je suis plus capable. Faut que je monte dans le Nord. Il faut que je crée les conditions pour qu'elle monte dans le Nord. Parce que là, c'est sa santé émotionnelle qui tombe à l'eau. Tout, yep. Tu deviens lié à ces gens-là, puis ils sont liés à toi. C'est. Hein? Et d'autres gens qui sont liés à Gisèle. Ouais, c'est une chaîne, mais elle est moins forte. Ouais, c'est ça. Dans le cas de d'autres gens, est-ce que ça va être directement par l'ajustement de pensée? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas d'intermédiaire? Comme... C'est intérieur parce qu'il n'y a plus de contrat sur le plan humain. Mais ça doit être terrible dans ton cas parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien. Ben oui, mais il faut que ça commence quelque part. Oui, mais c'est un... Moi, maintenant, j'ai commencé à entendre parler de l'isolation psychologique, ce qu'on appelle l'isolation. Tu sais, rendu à ce moment donné, on peut plus partir de la cinquième race, on peut plus partir de la. On dirait qu'on s'entrit de la sixième race, rendu à ce moment donné, qu'on passe parti ou qu'on reste pas parti. On sait quel est le arbitre qui est là. Si on peut pas, on est marqué ou on n'est pas marqué. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Quand tu es à un moment donné, c'est que tu vis, tu vas dans ton corps matériel. Puis, qu'est-ce qui arrive avec toi, tu sais, je veux dire, c'est bien beau la patience, mais je ne sais pas, c'est dur à vivre. C'est vibratoire, c'est pas une isolation psychologique, comme je dis. C'est psychique. C'est vibratoire. Ouais. À ce moment-là, quand tu es rendu là, il faut que tu t'organises. Puis, tu n'as pas d'idée, tu ne peux pas rien faire, tu ne peux pas, tu sais. Ouais. C'est là l'affaire de la patience. Tu sais, quand je disais, vous souffrirez de patience. C'est ça. Puis à un certain moment, tu pètes la patience. Parce que les éléments sont là pour te permettre de faire ce que tu veux faire. Ce que tu veux. Ils te font rien voir pour l'instant, tu sais. Ah, ben là, ils te font rien voir parce que ils te font rien voir parce que le travail n'est pas fini. Ils te font tout voir, puis là, tu oublies de suite. Ouais. Tu sais, ils vont oublier ce que t'as vu, ce qui était possible, tu sais. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu recherches pour rendre ce monde, c'est la paix. Ouais. Tu vas juste la paix. Mais tu peux pas l'avoir non plus. Mm-hmm. Fait que. Parce que c'est juste. C'est dans un divin. Pardon? Là, tu sais. Parce que c'est une marche. Tu fais plus partie d'aucun monde. Mm-hmm. Tu peux même pas te suicider. Parce que quand tu pètes la patience, tu crées juste une marche. Ouais. Quand tu pètes la patience, là, c'est parce que tu as descendu ta volonté suffisamment pour faire ce que tu veux. C'est ça. Ce que tu veux, c'est ce que tu dois. Puis ce que tu dois, c'est ce que tu sais. Puis ce que tu sais, c'est ça. Mais plus tu es capable de travailler ce que tu as fait, plus les marches doivent être courtes. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Plus tu avances. Le premier terme, la marche arrête. Ouais. Reposer, ouais. Plus ça va, plus ça court. Plus ça monte vite. Parce que plus le temps avance, moins t'es capable d'être patient. C'est vrai? Tu développes l'état de patience, puis l'état de patience, puis l'état de patience, puis l'état de patience, puis à un certain moment, tu l'as tellement développé que tu ne le peux plus. C'est là que t'apprends tes dessins. Là, tu fais ce que tu veux faire, puis finalement, là, ta pète, tout fonctionne. L'intelligence, la volonté ne peuvent pas descendre tant que vous n'avez pas atteint le paroxysme de votre patience intérieure. Ça, je vous en donne une clé, là.